吱吱吱吱，吱吱吱吱吱吱吱吱。t'en fais pas, tout ira bien. Blottis-toi dans mes bras, tout ira bien. La musique, c'est magique, c'est le feu dans le front. Écoute-moi, t'en fais pas, tout ira bien. Un, deux, trois, t'en fais pas, tout ira bien. Tes soucis, tes ennuis et toutes tes mauvaises nuits s'en iront sans un bruit. Au matin des magiciens. La musique, c'est magique, c'est le feu dans le froid. Et la vie, c'est mystique, c'est un peu comme tu crois. Tes soucis, tes ennuis et toutes ces maladies s'en iront sans un bruit, sans un cri. Si on est magicien, c'est le feu dans le froid. Et la vie, c'est mystique pour le feu qu'on envoie. Tu verras, t'en fais pas, tout ira bien. Faut juste pas se brûler les doigts. Se brûler.